Actes chapitre 18. Apaisse l'apôtre, étant parti d'Athènes, vint à Corinthe. Et ayant trouvé un juif, nommé Aquile, originaire du pays du Pont, qui un peu auparavant était venu d'Italie, avec Priscille, sa femme, parce que Claude avait commandé, que tous les juifs sortissent de Rome, il s'adressa à eux. Et parce qu'il était de même métier, il demeura avec eux, et ils travaillaient. Or leur métier était de faire des tentes. Et chaque sabbat ils disputaient dans la synagogue, et persuadaient tant les juifs que les grecs. Et quand Sila et Timothée furent venus de Macédoine, Paul étant poussé par l'esprit, témoigna aux juifs que Jésus était le Christ. Et comme ils le contredisaient, et qu'ils blasphémaient, il secoua ses vêtements, et leur dit, « Que votre sang soit sur votre tête, j'en suis net. Je m'en vais dès à présent vers les gentils. » Et étant sorti de là, il entra dans la maison d'un homme appelé Juste, qui servait Dieu, et duquel la maison tenait à la synagogue. Mais Crispe, principal de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et plusieurs autres aussi des Corinthiens l'ayant oui, crurent, et ils furent baptisés. Or le Seigneur dit la nuit à Paul, dans une vision, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point. Parce que je suis avec toi, et personne ne mettra les mains sur toi, pour te faire du mal, car j'ai un grand peuple en cette ville. » Il demeura donc là 1 an et 6 mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu. Mais du temps que Gallion était proconsul d'Achaïe, les Juifs, tous d'un commun accord, s'élevèrent contre Paul, et l'amenèrent devant le siège judicial. En disant, cet homme persuade les gens de servir Dieu contre la loi. Et comme Paul voulait ouvrir la bouche, Gallion dit aux Juifs, s'il était question de quelque injustice, ou de quelque crime, je vous supporterai autant qu'il serait raisonnable. Mais s'il est question de paroles et de mots, et de votre loi, vous y mettrez ordre vous-même, car je ne veux point être juge de ces choses. Et il les fit retirer de devant le siège judicial. Alors tous les Grecs ayant saisi Sosthène, qui était le principal de la synagogue, le battaient devant le siège judicial, sans que Gallion s'en mît en peine. Et quand Paul y demeurait encore assez longtemps, il prit congé des frères, et navigua en Syrie, et avec lui Priscille et Aquile, après qu'il se fut fait raser la tête à Sancré, parce qu'il avait fait un vœu. Puis il arriva à Éphèse, et les y laissa, mais étant entré dans la synagogue, il discourut avec les Juifs, qui le prièrent de demeurer encore plus longtemps avec eux, mais il ne voulut point le leur accorder. Et il prit congé d'eux, en leur disant, « Il me faut absolument faire la fête prochaine à Jérusalem, mais je reviendrai encore vers vous, s'il plaît à Dieu. » Ainsi il désancra d'Éphèse. Et quand il fut descendu à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Et ayant séjourné quelque temps, il s'en alla, et traversa tout de suite la contrée de Galatie et de Phrygie, fortifiant tous les disciples. Mais il vint à Éphèse un juif, nommé Apollo, alexandrin de nation, homme éloquent, et savant dans les Écritures, qui était en quelque manière instruit dans la voie du Seigneur, et comme il avait un grand zèle, il expliquait et enseignait fort exactement les choses qui concernent le Seigneur, quoiqu'il ne connût que le baptême de Jean. Il commença donc à parler avec hardiesse dans la synagogue, et quand Priscille et Aquile l'eurent entendu, ils le prirent avec eux, et lui expliquèrent plus particulièrement la voie de Dieu. Et comme il voulut passer en Achaïe, les frères qui l'y avaient exhorté, écrivirent aux disciples de le recevoir, et quand il y fut arrivé, il profita beaucoup à ceux qui avaient cru par la grâce. Car il convainquait publiquement les Juifs avec une grande véhémence, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ.